Bonjour. Aujourd'hui, voici une lecture de un article écrit par Rafik Shekat pour Orient 21 autour de l'islamophobie qui se déchaîne particulièrement en ce moment et donc du racisme en France. Vous pouvez retrouver ce texte sur donc le site Orient 21 qui s'écrit orientxxi.info. Et comme d'habitude, vous pourrez trouver le lien de l'article, des références, des infos et d'autres ressources en description de cette lecture audio sur archive.org, sur le compte de Caracol, K-A-R-A-C-O-L-E. Et je vous invite vraiment à suivre Rafik Shekat et d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Ces régulières réactions font vraiment du bien au milieu de tout ce qu'on peut lire, entendre et voir. Voilà, je commence la lecture de l'article. France, une nouvelle laïcité, entre guillemets, toujours plus répressive. Avec sa décision d'interdire l'abaya dans les établissements scolaires, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, poursuit l'encadrement politique du religieux. Cette nouvelle laïcité, pleine de guillemets, que promeut à son tour Emmanuel Macron, entraîne une stigmatisation toujours plus poussée des musulmans et musulmanes et assigne le corps éducatif au rôle de police des intentions. Comment expliquer la récurrence des polémiques autour des signes religieux dans les écoles publiques en proie à une pénurie sans précédent de professeurs et de personnel éducatif? L'argument de la diversion échoue à rendre compte de l'ampleur de l'offensive réactionnaire. Celle-ci a érigé depuis 3 décennies la défense d'une « laïcité assiégée », érigée en cause nationale, mobilisable à tout moment, y compris en temps de crise ou d'agitation sociale. La catégorie des « atteintes à la laïcité » permet désormais de donner corps à une panique morale, tout en appelant une réponse des pouvoirs publics pour endiguer un phénomène jugé inquiétant, au besoin par l'adoption de nouvelles mesures restrictives. Pour démêler les chevaux autour de la laïcité à l'école, devenue une laïcité essentiellement négative, il convient de distinguer 2 aspects. Le premier a trait à la loi de 2004 elle-même, son texte et son esprit, au renversement de sens qu'elle opère, et à ses conséquences pratiques depuis son entrée en vigueur il y a 20 ans. Le second renvoie à la question plus ancienne du sécularisme français et à l'encadrement politique du « religieux ». Entre guillemets. L'interdiction comme principe, l'autorisation comme exception. Année du bicentenaire de la Révolution française, 1989 marque la première affaire du foulard à l'école. À Creil, en région parisienne, le principal du collège Gabriel Havez exclut temporairement 3 élèves, Fatima, Leïla et Samira, qui refusent d'enlever leur foulard en classe. Le tapage médiatique et politique autour de cette affaire conduit le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Lionel Jospin, à saisir pour avis le Conseil d'État pour savoir si, citation, le port de signes d'appartenance à une communauté religieuse est ou non compatible avec le principe de laïcité, et à quelles conditions ce port pourrait être admis. Dans son avis du 27 novembre 1989, le Conseil d'État pose une autorisation de principe des signes religieux à l'école. Extrait de cet avis. Le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n'est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation de croyances religieuses. Fin de citation. La haute juridiction administrative entoure toutefois cette autorisation de principe de réserve. Le port de signes d'appartenance religieuse par les élèves ne doit pas constituer un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande et ne doit pas porter atteinte à la dignité ou à la liberté de l'élève ou d'autres membres de la communauté éducative, ni compromettre leur santé ou leur sécurité, ni perturber le déroulement des cours et le rôle éducatif des enseignants, ni, enfin, troubler le fonctionnement normal du service public. Sur le fondement de cet avis, la jurisprudence administrative a donc autorisé le port de signes religieux sous les réserves émises par le Conseil d'État. La plupart des décisions étaient rendues en faveur des élèves, le plus souvent musulmanes, et venaient infirmer les exclusions prononcées contre elles. La loi du 15 mars 2004 va opérer un renversement complet de la logique à l'œuvre. L'interdiction devient de principe, tandis que l'autorisation demeure l'exception. Le coup de force de la loi de 2004. Le contexte politique du début du millénaire, marqué par les attentats du 11 septembre 2001 et une polarisation du débat public en France autour des thèmes de l'islam et de la laïcité, sur fond de discours sur le choc des civilisations, a permis le coup de force opéré en 2004 par le législateur. Assurer la neutralité du service public en matière religieuse en faisant peser l'obligation de neutralité non plus seulement sur les agents, mais sur ses usagers. À la suite des travaux de la commission de réflexion sur l'application du principe de laïcité, installée par Jacques Chirac à l'été 2003, plus connue sous le nom de commission Stasi, la loi sur les signes religieux à l'école est adoptée le 15 mars 2004. Elle ajoute un article L141-5-1 du Code de l'éducation qui interdit le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Quelques semaines plus tard, la circulaire 2004-084 du 18 mai 2004, qui précise les modalités d'application de la loi, est venue étendre le champ de l'interdiction. Ce texte, passé presque inaperçu à l'époque, distingue en effet deux types de signes ou vêtements religieux. D'un côté, ceux dont, citation, « le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse comme le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive », fin de citation. De l'autre, les tenues a priori anodines auxquelles l'élève attache un « caractère religieux » entre guillemets, qui peuvent être assimilées à une tentative de contourner la loi. Si l'expression « signe religieux par destination » n'est pas employée dans la circulaire, on la retrouve toutefois dans les articles de doctrine. Sonder l'intention religieuse. En mettant en garde sur la possible apparition de nouveaux signes, la circulaire Fillon, du nom du ministre de l'Éducation nationale d'alors, va plus loin que l'interdiction posée par la loi. À côté de l'élément objectif, la manifestation ostensible d'une appartenance religieuse, elle ajoute un élément subjectif, le comportement ou les intentions de l'élève. Placé au cœur du dispositif, cet élément intentionnel plonge les chefs d'établissement dans une casuistique délicate qui prend souvent la forme de mesures de profilage racial. Je me permets d'intervenir pour donner la définition de casuistique, parce que si vous êtes comme moi, vous ne connaissez pas. Alors, casuistique, c'est la partie de la théologie morale qui a pour objet de résoudre les cas de conscience en appliquant les principes théoriques aux situations de la vie, selon le CNRTL. Voilà. Donc, certains conseillers principaux d'éducation, CPE, demandent par exemple aux surveillants et surveillantes d'établir des listes d'élèves qui portent le voile en dehors de l'école, pour pouvoir ensuite déterminer si leurs tenues portées dans l'établissement sont religieuses. En droite ligne de la circulaire, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, indiquait dans les colonnes d'un quotidien du soir la marche à suivre. Citation. Est-ce que la jeune fille qui porte telle ou telle robe la met régulièrement? Est-ce qu'elle refuse de changer de tenue? Est-ce que cela s'accompagne d'autres signaux? Voilà les éléments qui peuvent laisser à penser qu'il s'agit bien d'un signe religieux amenant à du prosélytisme. Fin de citation. Il appartient alors aux directeurs et directrices d'établissement de qualifier une tenue de religieuse sur la base de ce qu'elles ou ils connaissent ou croient connaître des religions en question, en particulier de l'islam. Le personnel éducatif doit se faire expert en religion au nom même de la garantie de neutralité du service public de l'enseignement pour déterminer si la tenue litigieuse est bien un signe de la religion de l'élève. Des signalements pour atteinte à la laïcité. Pour aider le personnel éducatif à déchiffrer l'intention religieuse entre guillemets des élèves, les autorités ont mis en place un certain nombre d'outils et de ressources pédagogiques, parmi lesquels un formulaire en ligne dit « atteinte à la laïcité », réservé à tous les personnels de l'Éducation nationale. Ces derniers sont invités à l'utiliser s'ils pressentent que le principe de laïcité est remis en cause. Les signalements collectés sont ensuite classés par type d'atteinte et rendus publics sur le modèle des chiffres de la délinquance. En dépit de l'autorité dont on tente de l'apparer, la catégorie des atteintes à la laïcité n'a rien d'objectif. Fonctionnant sur une base déclarative, elle mesure les signalements effectués de manière unilatérale et non contradictoire par le personnel éducatif, en fonction de ses opinions sur les questions de laïcité et de l'islam, qui concerne la quasi-totalité des signalements. Autrement dit, c'est un décompte des dénonciations qui peut tout au plus servir de baromètre de l'opinion au sein du personnel éducatif. Mais cette catégorie remplit d'autres objectifs. Elle donne corps aux paniques morales autour de la visibilité du fait musulman et appelle une réponse des autorités face à un phénomène que l'on peut désormais mesurer, dénoncer et par suite juguler. Un article de l'Opinion titrait en juin 2022, citation, « L'éducation nationale confrontée à une épidémie de tenues islamiques. Quand il y a des épidémies, il faut qu'il y ait des symptômes et on mesure », réagissait dans la foulée le président de la République, assurant qu'il comptait bien avec son ministre regarder, mesurer et répondre avec la plus grande clarté à toutes les situations qui ne respectent pas les lois de la République. Fin de citation. Évidemment, c'est les questions d'épidémie. On voit tout de suite à quel niveau c'est mis. À défaut de traiter la réelle épidémie en cours, mais bon. Une vision autoritaire de la laïcité. La reconfiguration du paysage intellectuel autour de la promotion d'une nouvelle laïcité, les politiques menées par les majorités successives et la mise en ordre médiatique du sens commun sur l'islam ont permis, nourri et intensifié cette extension du domaine de la neutralité religieuse. L'interdiction de toute expression religieuse ostensible en divers espaces conduit non pas à un reflux du religieux, mais à sa politisation permanente. La République est testée, déclare ainsi Gabriel Attal le lundi 28 août 2023 à propos du port d'abaya à l'école. Il ne s'agit donc pas d'une entorse au principe de laïcité, mais de la promotion d'une vision autoritaire de celle-ci qui veut que l'État encadre strictement les religions. Nous avons tendance à oublier que la loi du 9 décembre 1905 sur la laïcité hérite de toute la tradition concordataire mise en place par Napoléon Bonaparte notamment l'institution, le financement et le contrôle des cultes sous la forme d'instances verticales et représentatives. Si elle interdit formellement le financement des cultes, cette loi reprend néanmoins, dans son titre 5, les dispositions sur la police des cultes, articles 25 à 36. En principe de séparation et de stricte neutralité de l'État, celui de la liberté religieuse ou enfin celui de surveillance et de contrôle des cultes par les pouvoirs publics, une bataille à la fois politique et intellectuelle a lieu sur la manière de comprendre et d'articuler ces visions concurrentes. L'œuvre pionnière de Talal Assad sur le sécularisme montre que la laïcité ne se définit pas seulement par le principe de séparation du politique et du religieux, mais comme un processus de redéfinition de ce qu'est censé être la religion. Dans ce processus, le laïc est défini par opposition à son envers, le religieux. Cette production permanente de la séparation est au cœur du procès de sécularisation. D'autant que l'islam est considéré comme le lieu même de la confusion entre politique et religieux, ce qui explique par exemple que les tenues décrites comme islamiques soient assimilées à des actes de prosélytisme, comme l'a exprimé Pape Ndiaye. Sortir du trou noir. Invisible et extrêmement compact, le trou noir est un phénomène astrophysique atypique dont le champ gravitationnel est si intense que rien ne peut en sortir, pas même la lumière. C'est ce qui fit dire à Edgar Morin en 1989 au moment de la première affaire du foulard qu'on ne savait plus exactement ce que signifiait la laïcité et qu'un trou noir s'était creusé sous ce terme. Comment retrouver un sens de la notion qui puisse permettre de renouer avec ses objectifs initiaux de neutralité et de liberté de croyance? La première chose à faire est de sortir de l'impasse que constitue l'argument de la diversion. Dans son analyse de l'antisémitisme, Hannah Arendt avertit d'emblée son lectorat contre la tentation de faire de l'idéologie raciste nazie un simple moyen de gagner les masses ou un artifice démagogique. Dans le signage d'Arendt, nous devons, mutatis mutandis, comprendre que le racisme systémique ne s'est pas cristallisé de manière accidentelle sur les personnes musulmanes. Je suis obligée de dire au passage que Hannah Arendt a écrit des choses atroces au sujet des personnes vivant en Afrique. Donc, c'est... Donc je reprends. Dans le sillage de Arendt, nous devons mutatis mutandis comprendre que le racisme systémique ne s'est pas cristallisé de manière accidentelle sur les personnes musulmanes et prendre au sérieux ce que les racistes eux-mêmes proclament. Sans cela, le risque est grand de laisser un boulevard à la réaction, qui ne se prive pas, depuis des décennies, de profiter des atermoiements des forces de gauche sur le sujet. Il convient ensuite d'abandonner la polarisation du débat autour de la qualification de tenue religieuse. Le philosophe Jean-Fabien Spitz fait remarquer dans la lignée des arguments développés en son temps par Aristide Briand que l'idée même d'un vêtement religieux est une absurdité. Dans une république laïque, aucun vêtement n'est musulman, ni juif, ni chrétien. La loi de 2004 prohibe, citation, les signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Fin de citation. C'est bien ce texte et son interprétation stricte par le Conseil d'État qui constitue le nœud du problème, en demandant au personnel éducatif de déchiffrer en permanence l'appartenance religieuse des élèves. Donner un cadre d'expression au personnel éducatif qui refuse le rôle policier qu'on lui assigne est tout aussi important. Les élèves musulmanes viennent à l'école pour apprendre, non pour discuter de la longueur ou de l'amplitude de leur robe. La prise en compte de l'érosion de l'autorité du corps professionnel et de ses conditions de travail et de rémunération est essentielle pour saisir les raisons pour lesquelles une partie de ce personnel rallie à sa façon l'idéologie sécuritaire où se combine le sentiment d'impuissance, d'appel à l'autorité étatique et la peur des transformations du monde contemporain. C'était une citation. Il convient enfin de contester les usages de la laïcité dans un sens toujours plus attentatoire aux libertés d'expression et de conviction. Que la notion soit passée à droite, et souvent à l'extrême droite, est un phénomène déroutant mais pas exceptionnel. Songeons à l'instrumentalisation tout aussi intéressée du féminisme ou de la cause LGBTQIA+, à des fins racistes. Signifiant flottant par excellence, au même titre que la démocratie, la laïcité est l'enjeu de conflits et d'âpres débats. Ne pas laisser l'idée laïque à celles et ceux qui veulent en faire une arme de ségrégation massive est une question de première importance. Voilà, c'était l'article de Rafik Shekat, qui est avocat et essayiste, et qui l'a écrit pour Orient 21, média auquel il collabore régulièrement. Et je vous incite vraiment, une nouvelle fois, je sais, j'insiste, hein, mais je vous incite vraiment à suivre les comptes de Rafik Shekat. C'est vraiment éclairant et on en a besoin. Comme je vous l'ai déjà dit, vous trouverez les références de ce texte ainsi que les différentes références auxquelles il renvoie et sans doute d'autres ressources en description de cette lecture sur le site de archive.org que vous retrouvez sous mon compte Caracol. Donc c'est archive au singulier.org. Et pour trouver mon compte, c'est /details/caracol, K-A-R-A-C-O-L-E. A priori, si vous m'entendez, vous avez l'adresse sous les yeux. Vous trouverez plein d'autres textes, plein d'autres lectures sous ce compte. N'hésitez pas à aller jeter une oreille. Et merci pour vos partages et vos écoutes. Au revoir.